En Corée, depuis l'inauguration de la première école pour ouvriers le 15 juillet de l'an 40 du Juche 1951, on a installé une centaine et des dizaines d'écoles pour ouvriers, paysans et pêcheurs. Pendant ces 65 ans derniers, ces écoles ont formé beaucoup d'ingénieurs et techniciens. Surtout, des centaines d'entre eux sont devenus députés à l'Assemblée populaire suprême et héros du pays. En plus, les télécours commencés en 2010 pour 40 ouvriers démobilisés du complexe sidérurgique Fanghe a étendu sa sphère non seulement chez les cadres et travailleurs de nombreuses unités d'activité, mais aussi chez les handicapés et les femmes ménagères, et cela propulse énergiquement l'édification d'un État socialiste puissant et l'intellectualisation de tout le peuple.